connaissance. On vient niquer l'ambiance. On se 43 pour certains. C'est comme un tailleur, j'ai pas de solution pour me faire aimer. Je dois baisser la France. Et baisse avec toi pour qu'on parle. Elle veut que Dubaï, veut que du bas. Baisse, je te baisse une nuit, je te pas des rimes. Je suis pas un Hollandais, je suis pas du cartel. Comme le cartel, j'en veux plus. Plus. Si c'est pourquoi tu me bises sur ma puce. Plus. Si t'as que d'une brésilienne, t'es ma puce. Plus. Plus. Y'a l'excès dans l'excès que si elle dit que j'abuse. Plus. Plus. Plus. Avec une escorte, un gros pétard. J'ai sécurité devant la protection devant la porte. Oh. On n'accepte pas les menaces, on répond direct par la face. Un gros pétard. On a les mêmes cagoulés que les équipes qu'un corps. Bow, bow, bow. Pour les gros pétards, vous n'adoptez pas. Bow, bow, bow. C'est un sac qui va craquer un couillard en ta part. Bow, bow, bow. Viens, viens, on va faire que les biens. Viens, on va faire que les biens. Viens, on va faire que les biens. Viens, on va faire que les biens. Je sais qu'on est en crime, je m'en bats ma ganache, tu sais qu'on est cramé. Je suis fiché chez la PJ, la crime. Je suis bâtard, je suis partout comme les dramés. Je fais torquer la baby dans la suite. Je la paye, je prends la fuite. KLM pour cent, je les vois en fin. Je fais des doigts à dos, je fais pas à Miami. C'est des salopes comme Mia Khalifa. J'ai la nani valise de Cali. J'envoie les types, mano, salis pas, c'est réel. D'après eux, j'ai un veto. 4 000 cas comme une femme de la MS13. Je mets une coupette si j'ai l'occasion. KLMPS, KLMPS. Avec une escorte, un gros pétard. J'ai sécurité devant la protection devant la porte. Oh. On n'accepte pas les menaces, on répond direct par la force. Un gros pétard. On a les mêmes cagoulés que les équipes qu'un corse. Bow,